La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Lorsque nous évoquons les rivalités régionales, il est évidemment question de géographie entre régions, Bretagne et Normandie par exemple, entre villes, Lyon-Saint-Étienne, entre les îles Guadeloupe ou Martinique, et puis il y a Paris, Paris contre le reste de la France. Ah, Paris, province, centre, périphérie, jacobins, girondins et les montagnards aussi. Bah oui, c'est de la géographie, car ces rivalités régionales nous conduisent au moment essentiel de la Révolution française, quand se met en place la géographie politique du pays. Déjà, par la situation des députés dans l'Assemblée, à gauche ou à droite, la Révolution a-t-elle inventé la centralisation Paris, région, point cardinaux de la lecture de la France au nord, au sud, à l'est et parfois complètement à l'ouest. Odile Paris-Barubé, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Lille. Vous avez longtemps travaillé à l'Université de Lille avec un regard très particulier, et c'est passionnant, porté sur la province, et le titre de votre ouvrage, notamment La province antiquaire, l'invention de l'histoire locale en France, 1800-1870. Il faut rappeler combien ce 19e siècle est important dans la construction même de l'imaginaire qu'il existe une province. Comment s'est construit cette idée-là ? Alors, le 19e siècle est effectivement un moment tout à fait capital dans l'histoire du rapport à la fois réel et imaginaire qui lie Paris à la province, parce que, tout simplement, c'est le moment de la mise en œuvre d'une centralisation ordonnée et permanente, je reprends les termes d'Albert Mathiez, qui se substituait à celle chaotique et intermittente de l'ancien régime. Alors, si le 19e siècle a joué un rôle aussi important, c'est parce qu'il a été à la fois le moment de production d'un discours théorique sur cette conscience nouvelle de la primauté du centre et donc de la définition des rapports de la province à la capitale. Alors, je pense en particulier, je crois que le texte peut-être le plus beau du premier 19e siècle sur cette question, eh bien, ce sont les pages terminales du tableau de la France que Jules Michelet insère en 1833 au milieu de son histoire du Moyen-Âge, et où il fait de l'avènement de la centralisation au 19e siècle l'aboutissement logique d'une histoire de France qu'il conçoit comme le travail sur la longue durée de forces assimilatrices. Ce qui amène les provinces au pluriel à se départir de leur esprit de localité pour se fondre dans ce centre dont il écrit que c'est un centre qui se sait lui-même et sait tout le reste, et dans lequel les provinces se regardent et s'aiment et s'admirent sous une forme supérieure. Oui, parce que en citant Michelet, effectivement, nous avons une lecture de la France, ce tableau de la France en 1833, qui est quelque chose qui s'étend sur des siècles et des siècles. Et Odile Paris-Barubé, vous avez cité Albert Mathiez, grand historien du début du XXe siècle, spécialiste de la Révolution française. Mais malgré tout, avec cette histoire de Paris et d'ailleurs la province, nous avons des évocations qui nous conduisent sous l'Ancien Régime. Tout frais de votre belle province, vous devez avoir un regard aiguisé sur les ridiculités de la cour. Il est écrit « Ne juge point, et tu ne seras point jugé ». Vous pensez bien que si les évangiles étaient de quelque utilité à Versailles, cela serait venu à ma connaissance. Joignez-vous à notre parti, si le cœur vous en dit. Nous jouons à 10 sols le point. Les boucles d'argent de mes souliers sont ma seule richesse. Mais vous pouvez les estimer de plus près, en vous courbant bien. Que sollicitez-vous à Versailles ? La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans. Pauvres gens. Comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple évocation provoque l'ennui. C'est que voyez-vous, monsieur, les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques, ils nourrissent aussi les aristocrates. Il est moins sot qu'il n'en a l'air. C'est toute la différence entre nous, monsieur. Beaucoup d'esprit dans le film ridicule de Patrice Leconte en 1996 avec les superbes Charles Berling et Bernard Giraudot. Jean-Clément Martin, bonjour. Bonjour. Nous évoquons ici avec le film ridicule ce regard porté à la cour, nous sommes à Versailles, sur la province. Mon Dieu, vous venez de la province. Dans la question qui nous intéresse aujourd'hui, mais d'où vient la centralisation à la française, il faut déjà porter un regard sous l'Ancien Régime. Il existe déjà quelque chose qu'on ne peut pas appeler centralisation encore, mais qui peut conduire tout doucement à ce que nous connaissons. Ah oui, enfin, Tocqueville l'avait dit il y a déjà très longtemps, il est certain que ce qu'on appelle la centralisation peut commencer avec Louis XIV, qu'elle a été renforcée avec Louis XV, que sans doute Louis XVI entreprenait des réformes qui allaient dans le même sens, mais je dirais d'un mot quand même que jusqu'en 1789, l'État unifié n'existait pas et que Louis XVI et ses conseils butaient sur les parlements de province. Je pense notamment au parlement très puissant de Bretagne à Rennes, qui une province qui avait des avantages, qui avait des habitudes, qui avait des impôts tout à fait particuliers. Ou je pense aussi au parlement de Rouen. C'est-à-dire qu'il y avait là une discussion continuelle entre les provinces et l'État royal, et que c'est précisément ce qu'en 1789, c'est ça ce qui est aboli, avec un État unifié qui change tout, ça c'est certain. État unifié et puis une simplification de la carte, parce qu'il faut rappeler sous l'Ancien Régime, mais les cartes sont d'une complexité, les entités se chevauchent, la cohérence est difficile et dès lors, c'est vrai que essayer d'imposer quelque chose de centralisé de la part du roi devient presque impossible. C'est vrai, mais je dirais quand même que le découpage départemental de 1790 suit grosso modo, malgré tout ce qu'on en dit régulièrement, les limites des provinces de la monarchie. On n'est pas dans un découpage géométrique comme ça avait été proposé par quelques personnes. Oui, parce que ce découpage des départements en 1790 est une lecture simple de la carte de France. Il y a une vraie volonté ici de construire un pays avec tout simplement la base qu'est la démocratie. Il faut pouvoir voter. Dans la volonté de mettre en place des départements, ce n'est pas juste de faire une jolie carte de France. Il y a une vraie volonté politique derrière. Oui, mais qui continue ce qui existe déjà. Je crois que même si aujourd'hui on les oublie trop, les assemblées provinciales qui avaient été mises en place à partir de 1785-87 avaient déjà commencé à habituer les élites, évidemment pas l'ensemble de la population, à une représentation locale et à des liens nationaux. Donc on est déjà rentré dans ces rapports entre l'État incarné par la monarchie et les conseils autour du roi, avec des organisations pyramidales de représentation locale dans grosso modo ce qui va devenir ensuite les départements. Le mot d'ailleurs est employé déjà sous la monarchie à propos de l'organisation des impôts. La Révolution suit complètement de ce point de vue-là les créations monarchiques. Allez, Jean-Clément Martin, assistons à la naissance des départements. Chère marquise, bonsoir. Mais il n'y a plus de marquis. Mais si, il y aura toujours des marquises. Eh bien, monsieur le chevalier, d'où arrivez-vous donc ? De mon bailliage de Nancy, tout simplement. Mais il n'y a plus de bailliage. Allons, pour vous faire plaisir. J'arrive de Nancy, chef-lieu du département de l'Orne. De la Meurthe. Chef-lieu toujours disputé d'ailleurs, car Lunéville accepte mal de se voir relégué au rang de capitale de canton. Que de querelles, grand Dieu! provoqué comme un plaisir par un comité dit de constitution, dont le but inavoué était surtout d'anéantir les provinces. Mais Bouffers, comment pouvez-vous dire cela? La nouvelle division de la France en 83 départements, tous administrés de la même façon, va enfin nous faire sortir de nos situations inextricables. C'est une œuvre de régénération. Régénération, la naissance des départements dans une fiction de l'ORTF en 1963. Jean-Clément Martin, y a-t-il une volonté de centraliser le pouvoir sous la Révolution au moment où sont mis en place ces départements? La Révolution est toujours un terme difficile à employer parce qu'il faut sans cesse contextualiser. Là, en l'occurrence, nous sommes en 1790. Alors, je dirais en 1790 que la France régénérée, mais le roi lui-même veut régénérer la France de 1790 est pendant deux années, dans un état de décentralisation absolument incroyable, dont nous ignorons absolument tout aujourd'hui. Quand on pense que jusqu'en 1792, les représentants du pouvoir central, ce qu'on appelle abusivement de l'exécutif, sont des personnes élues par les électeurs des départements, précisément. C'est comme si aujourd'hui les préfets étaient élus par les citoyens de chaque département. Nous n'avons jamais revu ça après, et entre 1790 et 92, il y a vraiment une administration locale extraordinairement libre, et c'est quelque chose qu'on oublie, mais complètement. Alors c'est vrai que ça se gâte après 92 avec l'envoi des représentants en mission 1793, et qu'après fin 93-94, il y a là la suppression de fait des élections, il y a l'imposition de la Convention comme seul représentant du peuple, c'est-à-dire en cumulant tous les pouvoirs littéralement, et qu'on rentre là dans une centralisation totale que le directoire prolonge d'une certaine façon, et surtout que Bonaparte-Napoléon va perfectionner, et nous vivons sur cet héritage-là. Mais le début de la Révolution est pour moi fabuleux. Oui, formidable analyse sur la chronologie fine, Jean-Clément Martin, pour se rendre compte que cette question de centralisation est beaucoup plus complexe que de dire la Révolution signifie la centralisation en France. Non, dans ces premiers temps, il y a une volonté de décentralisation avec des mots qui nous viennent sans cesse. Ce sont ceux de Girondins, Montagnards, Jacobin. Alors, comment se construit dans le discours politique la volonté de centraliser ou pas le pouvoir en France? Eh bien, je dirais que c'est le jeu, tout simplement, des événements, avec des allers-retours un peu étonnants. Mais je voudrais partir tout simplement d'une chose qu'on oublie aussi régulièrement, c'est que lorsque les lois, la Constitution sont publiées, eh bien, depuis Paris, on engage des équipes de traducteurs qui traduisent les lois et la Constitution en flamand, en breton, en basque, en alsacien, en occitan, et que jusqu'en 1793, on n'estime pas que parler breton, ça soit adhérer à la contre-révolution du tout. C'est-à-dire qu'il y a bien là une acceptation des identités provinciales vernaculaires, des langues qu'on appellerait outrageusement des patois aujourd'hui, qui sont des langues protégées par la Révolution qu'on appelle jacobine. Alors, Jacobin, Girondin, Montagnard, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans trop d'explications parce qu'une heure ne suffirait pas, sauf à rappeler très très brièvement que Girondin, Montagnard font partie des Jacobins jusqu'en 1792, que Girondin, Jacobin s'opposent vraiment fin 1792, début 1793, même s'il faut quand même rappeler, et bien sûr tout le monde le sait, mais quand même, que le mot Girondin est une création véritable de Lamartine qui amalgame tous les partis autour de Buzot, de Brissot, de Roland qui existaient pour les appeler les Girondins dans un livre qui paraît en 1847. Et depuis, nous vivons continuellement là-dessus. Alors, un mot quand même aussi, c'est Bien sûr, les Girondins et Jacobins ou Girondins Montagnards s'opposent, tout le monde le sait aussi, au moment du procès du roi, c'est-à-dire janvier 1793. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est un peu paradoxal, c'est que précisément ce sont les Girondins qui disent qu'il faut faire appel au peuple des provinces pour respecter la démocratie, et que les Montagnards, notamment Marat, vont dire au contraire, ah non, on va pas demander au jardinier qui n'y connaît rien, au laboureur qui ignore toute la politique, de se prononcer sur le procès du roi. C'est-à-dire qu'il y a là un jeu un peu compliqué, un peu étonnant, de rappel à la démocratie par les Girondins, véritablement au sens large du pays, alors que les Jacobins ne veulent même pas, eux, faire appel au peuple, ce qui serait en quelque sorte inversé 6 mois plus tard. Donc il y a des jeux qui sont liés véritablement aux événements et qui sont liés aux occasions politiques. Et ça me semble quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Jamais avoir de ligne unique pour comprendre la Révolution. Avec ce moment très particulier de l'exécution du roi. Ben d'ailleurs, Jean-Clément Martin, vous venez d'exécuter Louis XVI. Enfin, en tout cas, vous venez de publier l'exécution de Louis XVI chez Perrin. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Avec ce regard vraiment intéressant sur cette révolution complexe, avec ces différents moments de la révolution et surtout aussi la mémoire, vous nous l'avez dit, hein, ce mot de Girondin très tardif, ce mot de Jacobin, des mots qui restent dans les mémoires. Micro-trottoir, où ça? Vu qu'on parle des Girondins, à Bordeaux, bien sûr. Il y avait les Jacobins et les Montagnards, non? C'est pas ça? La révolution, les Girondins. Les Jacobins, ce sont ceux qui se sont battus pendant la Révolution française. Disons que les Jacobins et les Girondins, je pense qu'ils étaient l'un contre l'autre, non? C'est pas ça? Et les Jacobins sont nettement orientés du côté des Montagnards. Et les Girondins, c'est la tendance plutôt calme, plutôt neutraliste. Ils se sont cachés dans les Saint-Similion, dans une grotte, dans un pont de pluie. Oui, et les Girondins alors? Ce sont les Girondins. Alors, il y a un problème là. C'était un parti sous la Révolution. Les Jacobins, c'était un club. Les Girondins, c'est au moment de la Révolution. Enfin, les Vendéens, les Chouans, cette époque-là, quoi. Voilà, là, vous me parlez de l'histoire de France. C'était mon point faible. Et les Girondins? Les Girondins, oui. C'est quoi? C'est du football. Ah oui, dans ce micro-trottoir à Bordeaux en 1980, sur Aquitaine Actualité, il y a des choses inexactes, mais d'autres exactes. Les Girondins, ça c'est du foot. Nous sommes bien d'accord. Jean-Clément Martin. D'accord. Nous sommes d'accord. Complètement. Alors, il y a quelque chose aussi qui date aussi de Lamartine, c'est de présenter ces malheureux Girondins comme les moutons qu'on conduit à l'abattoir, en oubliant complètement qu'en début 1793, ils étaient profondément centralisateurs et qu'ils traquaient leurs opposants, et que s'ils n'ont pas envoyé Marat à la guillotine, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont bien essayé. Donc ils sont pas plus, entre guillemets, doux ou calme que les Montagnards et Jacobins que l'on présente, eux, toujours avec le couteau de la guillotine entre les dents, ce qui est là aussi quelque chose d'assez pittoresque, en quelque sorte. Oui, parce qu'il faut déconstruire ce cliché, toutes ces interprétations, pour saisir combien ce débat girondin-jacobin, ce débat qui est prégnant dans la vie politique depuis maintenant près de 2 siècles, est important. Oui. Avec ce moment Lamartine, et vous nous l'avez dit, Jean-Clément Martin, quand Lamartine se met à écrire son histoire des Girondins, nous sommes dans les années 1840, sous la monarchie de Juillet, le roi est Louis-Philippe, dans sa construction de l'image des Girondins, il y a une volonté politique, mais qui correspond à celle de son temps, celle des années 1840. Qu'est-ce que veut faire Lamartine? Alors, il veut retrouver une autre voie pour établir la République en France. Donc, c'est un homme politique important, hein, au moment de la Deuxième République, en 1848, il ne faut pas l'oublier. Et il veut aussi essayer de renouer les fils politiques, parce que son livre est consacré aux Girondins, le personnage important de son ensemble, parce que c'est 6 volumes à l'époque, de son ensemble de l'œuvre, c'est quand même, en quelque sorte, un éloge de Robespierre, qui est l'homme important de la Révolution, même pour Lamartine. Et je crois qu'il y a là quelque chose qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que les Girondins, qu'on a toujours du mal, hein, soyons clairs, qu'on a toujours du mal à placer sur l'échiquier politique, sont pour l'essentiel d'entre eux, des gens qui ont été opposés très fermement à toute la contre-révolution, et notamment au soulèvement vendéen, tout échouant. Tout l'Ouest breton et vendéen a été partagé entre les courants contre-révolutionnaires d'un côté, c'est certain, mais de l'autre, leurs premiers adversaires sont des gens qui ont été opposés à ce qu'on a appelé les montagnards, et qui est des Girondins qui ont d'ailleurs été souvent, une partie d'entre eux, tout au moins guillotinés pendant les années 1793-1794. Donc on n'a pas une opposition qui serait frontale, Girondin contre et lié aux contre-révolutions et aux contre-révolutionnaires d'un côté, contre Paris qui serait révolutionnaire et montagnard. Ce n'est absolument pas ça qu'il faut avoir en tête. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, alors que les robespierristes sont toujours très très critiqués, ceux qui sont les partisans, les acteurs essentiels de la Révolution, ce sont précisément des gens comme Danton, ce sont des gens comme Condorcet, ce sont des gens comme tous ces défenseurs républicains que nous rangeons aujourd'hui parmi les Girondins, mais qui sont encore les grands républicains hostiles à la contre-révolution. L'opposition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, 2021, Girondins, Jacobins, pour dire les choses comme je le pense, c'est surtout lié à des facilités de pensée des courants issus des écoles de sciences politiques qui ont besoin de faire des oppositions un peu factices entre Paris et la province. Oui, parce que l'histoire s'associe à la mémoire et la mémoire a elle-même son histoire. D'ailleurs, Jean-Clément Martin, vous avez écrit « La Vendée de la mémoire 1800-2018 » avec toute une réflexion sur ce que signifie en fait cette mémoire de la Révolution, son interprétation sans cesse et ses mots « Girondin, Jacobin, Happy ». Puisqu'il y a les montagnards, partons à la montagne. Parisien, tête de chien, Paris. Rentrez à la maison, vous. Il y a des bêtes. France Culture. Mais que c'est joli. C'est un cachet fou chez vous. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Sentez comme ça sent le feu de bois. Qu'est-ce que c'est mignon chez eux. Je suis sûr qu'il y a du jambon cru de montagne. Tu sais qui tue encore jambon cru eux-mêmes, hein. Oh, mais regardez-moi cette dentelle, la finesse du poing. Oh là là. Oh, il y a la télé. Ça fait toujours du bien de bronzer un petit peu au printemps. Et justement, dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons à ces rivalités régionales. La Révolution a-t-elle inventé la centralisation? Eh bien non, car sous l'Ancien Régime, il y avait déjà des prémices de cette centralisation. Et puis il y a toute la construction intellectuelle autour de ce qui s'est passé pendant la Révolution pour mettre en place cette dichotomie magique Paris-Province. C'est grand, c'est triste, et ça sent rien. Toulouse au moins, c'est chaud, c'est rouge, et j'y suis bien. Vous prenez l'autoroute de l'ouest ou bien du nord. Vous vous mettez en route, la veste fait froid dehors. Vous roulez, vous rêvez, c'est déjà la province. De la boue du soleil, dehors le froid qui pince, et à 100 bornes d'ici, c'est déjà Montargis. Paris, c'est beau, c'est grand, c'est triste, et ça sent rien. Même Montargis, dans le temps, c'était beaucoup plus loin. Marseille, qu'est-ce que c'est chouette, Nice. c'est pas beau, Nice. À Cannes, je veux mourir. Pas à Restaurant ah non, oh non. La mer, le Rhône, les Alpes, Menton, Lyon ou Grenoble, y'a pas que Paris, bon Dieu. Partout y'a des mecs bien, faut les chercher, mon vieux. Mais là-bas, y'en a plein. Gérard Klein qui chante Paris-Provence dans Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Somaïa Dabesh avec aujourd'hui à la technique Clara Galivelle. Le cours de l'histoire qui s'interroge sur les origines de la centralisation à la française. Odile Paris-Barubé, nous avons bien saisi que cette notion de centralisation est déjà présente sous l'Ancien Régime. La Révolution est un moment essentiel et puis l'épisode napoléonien, eh bien, parachève en fait cette centralisation. Vous étudiez le 19e siècle et notamment une lecture que l'on peut avoir de la province au 19e siècle. Du point de vue de l'institution, la centralisation est réalisée. La centralisation, tout à fait, elle est parachevée par la loi de Pluviôs-en-Huit, hein, 17 février 1800, qui crée les préfets, qui crée les conseils généraux de département, dont les membres sont nommés par le premier consul et non pas élus, hein, jusqu'à la monarchie de Juillet. Alors, ce qui est très important pendant la période consulat-empire, justement pour la consolidation de cette centralisation, c'est que se déploie un effort descriptif absolument sans précédent des territoires et notamment des territoires départementaux. Ces départements qui ont été créés à la place des anciennes provinces, ils apparaissent. Et ça, ce sera un des grands thèmes de la critique du département qui va courir tout au long du XIXe siècle. Ils apparaissent, à la différence des provinces d'Ancien Régime, comme des territoires arbitraires, arbitrairement découpés et artificiels en ce qu'ils ne correspondraient pas à des réalités géographiques naturelles légitimes. Donc, l'administration préfectorale déploie une activité intellectuelle et scripturaire extrêmement intense à travers ce que l'on appelle la statistique départementale. La statistique départementale, c'est une statistique qui, pour l'heure, est encore essentiellement littéraire et descriptive, et dès les toutes premières années du consulat, elle sert à légitimer les nouveaux départements, à en légitimer les découpages, en montrant que ces découpages ne sont pas si arbitraires que cela, qu'ils sont certes rupture avec ceux des provinces d'Ancien Régime, mais qu'en réalité, en cherchant bien, on peut arriver à les remettre en accord avec des découpages beaucoup plus légitimes parce que beaucoup plus anciens. Et là, on mobilise la géographie de la guerre des Gaules, hein, de César, pour montrer que tel ou tel département, en fait, eh bien, retrouve les contours d'un ancien pagus de l'époque romaine ou qu'il est un assemblage d'anciens pagis, etc. Donc, on essaie d'en légitimer le découpage et puis surtout, on essaie de construire des physionomies départementales en essayant de les remettre en harmonie avec la nature. Je rappelle d'ailleurs que ça n'est pas un hasard si la plupart des noms donnés au département dès 1789 sont majoritairement des noms de cours d'eau, des noms de montagnes, voire plus rarement des noms de bras de mer, comme c'est le cas par exemple pour le Pas-de-Calais. Dans ce regard nouveau porté sur la province, sur ses régions, sur ses départements, sur la nature, vous nous l'avez bien expliqué, est-ce que se construit une opposition justement entre tous ces territoires et Paris ? Alors, cette écriture de la statistique départementale, elle vise finalement, curieusement, à donner une homogénéité à cet ensemble territorial qui n'est pas Paris. Marie-Noëlle Bourguet, qui a beaucoup travaillé sur la statistique en France à l'époque napoléonienne, l'a très bien montré. Cette écriture de la statistique départementale, d'abord, c'est une écriture du progrès. Elle est actualisée tous les ans dans les annuaires départementaux que les préfets doivent en principe produire chaque année. dans lesquels on mesure les progrès de la démographie, les progrès de la production agricole, manufacturière, etc., ce qui tente à démontrer que la Révolution n'a ni dépeuplé, ni ruiné le pays. Donc la province devient une espèce de territoire de la, où s'opère la mesure du progrès. Et puis, c'est aussi une écriture très qui apporte de l'homogénéité. C'est, dit Marie-Noëlle Bourguet, une espèce de catalogue du même qui montre que d'un département à l'autre, finalement, eh bien, l'évolution va dans le même sens. Les préoccupations sont les mêmes. Les types de populations que l'on décrit sont en gros toujours, s'organisent toujours selon le même schéma. En gros, chaque département est doté d'une population dont on précise qu'elle n'est pas spécialement finaude, pas spécialement portée sur les choses de l'esprit, mais qu'elle est robuste au travail, qu'elle est endurante, qu'elle est honnête, qu'elle est loyale, etc. Donc, c'est assez ambigu, mais ça, c'est la grande ambiguïté du 19e siècle. C'est-à-dire que c'est à la fois une écriture très tournée vers le local, hein, où chaque département compte ses hommes, parle de ses ressources naturelles, etc., mais où tout cela, finalement, ne produit pas trop d'esprit de localité, mais tend plutôt à produire le sentiment qu'il y a, voilà, une cohérence, sinon une uniformité entre les départements. Et dès lors, les clichés prospèrent. Bah tiens, justement, Prosper Mérimée, en 1834, se trouve à Vézelay. Vous saurez, cher ami, que je suis depuis un jour dans une ville très célèbre, parce que Saint Bernard y prêcha la seconde croisade. Maintenant si arriéré que le cirage anglais y est inconnu, et même l'encre de petite vertu, au point que j'ai été obligé d'en composer moi-même pour vous écrire. Que vous dirais-je des provinciaux? Quelle engeance! Le Constitutionnel et Victor Hugo les ont formés depuis quelque temps. Autrefois, c'était de bonnes gens qui parlaient comme Monsieur Gorgibus. Maintenant, ils font des phrases qui durent 5 minutes à débiter. Je vis d'œufs à la coque à Vézelay et de pommes de terre. Le pays ne produit que des sauces blanches, assez semblables pour la couleur et le goût à de la pâte, et du pain noir qui tient comme de la poix. Plus je vois les compatriotes et plus je vénère Napoléon. Il est fâcheux qu'il n'ait pas régné 20 ans de plus. Il y aurait eu du pain et de l'encre à Vézelay. Écrivez-moi à Lyon, où votre lettre peut arriver avant le 16, et donnez-moi des nouvelles du monde, dont j'étais il y a 8 jours. Prosper Mérimée, qui s'adressait en août 1834 à ses amis parisiens, Linguet et le pauvre Prosper Mérimée a l'air complètement perdu en Bourgogne. Une lecture par Sandy Boisard dans Le cours de l'histoire. Jean-Clément Martin, avec Prosper Mérimée, nous avons un personnage intéressant parce que dans cette représentation de l'opposition entre Paris et la province, il y a une histoire sociale à construire. Il y a une vraie connaissance de l'ailleurs. Les gens de Paris, en tout cas les élites, possèdent souvent des attaches locales. Donc ce jeu se construit durant tout le 19e siècle. Mais comment s'alimente le regard un peu méfiant face à la province ou face à Paris? Oui, alors c'est une question très compliquée que vous me posez là, parce que c'est la suite de tous ces préjugés qui marquent toutes les provinces, je dirais aussi tous les pays européens en même moment. Donc on va qualifier notamment, et ça c'est au moment de la Révolution, c'est très identifié, très remarqué, que les gens de Marseille ont un tempérament tout à fait particulier et que il y a là les stéréotypes régionaux que nous connaissons encore aujourd'hui, même s'ils sont atténués, sont très prégnants dès ce moment-là, et ça va continuer pendant tout le 19e siècle. Bon, maintenant, il me semble aussi que le tournant, c'est les années 1850-1870. Eugen Weber avait fait son grand livre, il y a maintenant une trentaine d'années, sur la façon dont les paysans étaient devenus des Français, c'est la diffusion du chemin de fer, c'est l'imposition du service militaire, et il me semble que là, les stéréotypes régionaux qui durent, qui marquent toujours la France, commencent à s'atténuer, même si on va les retrouver, notamment au moment de la Première Guerre mondiale, on les retrouve aussi d'une façon très brutale, puisque on sait aussi que les Bretons, paysans bretons et les paysans vendéens seront envoyés dans les tranchées et paieront un lourd tribut au moment de la Première Guerre mondiale. Donc il y a ce jeu qui est continuel, qui est compliqué, qui est peut-être pour moi en train de disparaître en ce moment pour être supplanté par d'autres clivages qui sont plus actuels. Mais pour dire la vérité, et pour le dire d'une façon peut-être un peu provocatrice, moi je maintiens que jusque dans les années 1930, 1940, voire 1950, les premiers émigrés que la France ait connus, eh bien, ils venaient de Bretagne, ils venaient de Vendée, et qu'ils étaient déjà aussi mal considérés que les Polonais, que les Italiens, que les Portugais, qui arrivaient aussi en France pour travailler au même moment. Donc, c'est ce tissu compliqué qui marque en définitive tous nos rapports entre Paris et province. Et puis dans ce rapport entre Paris et province, Jean-Clément Martin, vous avez évoqué la décision politique avec l'exemple, par exemple, de l'envoi des Bretons au front, etc. Eh bien, dans cette lecture-là, il y a ce sentiment que la décision est prise à Paris. Le centralisme, la centralisation politique et administrative alimente aussi la méfiance envers Paris, capitale, et le reste de la France. Ah oui. C'est important de se dire ça, ce sentiment qu'on ressent encore aujourd'hui. Vous savez, souvent, nous entendons ça quand une décision est prise dans un département, mais elle vient de Paris, de gens qui n'y connaissent rien. Ce qui est vrai. Ah oui, ça c'est absolument vrai. Et puis, contre cela, moi je suis très frappé que dans les années 1880, avec cette mise en place d'une pensée qui insiste sur le pays réel opposé au pays politique. Donc on voit bien sûr les positions de Maurras, mais aussi des Félibriges dans l'Occitanie. Il y a ce courant contre-révolutionnaire et provincialiste qui crée pour le premier centenaire de la Révolution un mouvement général qui vise à commémorer la résistance à la Révolution par les provinces françaises. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à ce moment-là, dans les années 1890, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Girondins sont véritablement considérés comme les ancêtres révolutionnaires qui ont créé la France républicaine contre la contre-révolution des royalistes et des provincialistes. Donc on est dans ces espèces de jeux compliqués qui reviennent qui s'imbriquent les uns dans les autres. Mais c'est vrai que sur le fond, en définitive, ce qui joue là, c'est l'identification de l'an 2 de la République à Paris contre la contre-révolution qui est quand même considérée toujours comme provincialiste. Et je crois qu'encore aujourd'hui, ça marque toujours les esprits. Bon, pour prendre un exemple qu'il faut quand même citer, parce que c'est une évidence aujourd'hui, c'est le spectacle du Puy du Fou qui peut apparaître quand même comme l'exemple même de la résistance provinciale contre l'emprise républicaine parisienne terroriste. Et je dirais tout est dit. Tout est dit avec ce moment, Jean-Clément Martin, vous l'avez identifié, des années 1890, une nouvelle lecture de la Révolution. Mais que lisaient les gens dans les années 1890? Bien, ils lisaient Victor Hugo. Qu'est-ce que la Révolution? C'est la victoire de la France sur l'Europe et de Paris sur la France. De là l'immensité de cette minute épouvantable, 93, plus grande que tout le reste du siècle. Rien de plus tragique. L'Europe attaquant la France et la France attaquant Paris. Drame qui a la stature de l'épopée. 93 est une année intense. L'orage est là dans toute sa colère et dans toute sa grandeur. Sandy Boisard qui lisait dans le cours de l'histoire un extrait de 93, le roman de Victor Hugo, un roman de 1874, avec toujours ici, quand il est question d'un débat complexe, jacobin, girondin, la centralisation est-elle née de la Révolution ? L'idée que la réponse ne peut pas être simple, sinon il n'y aurait pas de débat. Et c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs, Odile Parsi-Barubé. Justement, dans cette réflexion, il y a ce que vous avez comme approche particulière, justement, la connaissance de la province des antiquaires, cette étude, l'invention de l'histoire locale en France qui se mêle à une lecture de la Révolution, une lecture différente selon les périodes, et puis à des enjeux politiques. Tout ça est à prendre en compte pour essayer de comprendre ce débat jacobin-girondin. Oui, alors effectivement, là on est en plein dans ce qui se joue entre une politique centralisée qui, dès la monarchie de Juillet, dès 1834, commande, hein, c'est une commande ministérielle, que cet inventaire des ressources, des archives, des bibliothèques et surtout des ressources monumentales de la France post-révolutionnaire. On a là une entreprise centralisée d'inventaire qui doit servir la France, puisque l'objectif est, dans l'esprit de Guizot, de réaliser une publication des documents inédits de l'histoire de France, à partir de laquelle on pourra écrire une histoire de France qui serait fondée véritablement sur les documents, donc plus crédibles et plus scientifiques que celle que l'Ancien Régime avait pu produire. Alors, on voit bien que l'idée de Guizot, c'est, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a derrière tout le projet des doctrinaires de faire accoucher la France de nouvelles élites. Hein, l'idée de Guizot, c'est de mobiliser les élites provinciales dans ce travail d'inventaire historique et archéologique du pays, de manière à ce qu'il fasse remonter de la province vers Paris, vers le ministère de l'Instruction publique, vers les comités parisiens destinés à centraliser et à trier tous ces envois. Et on voit bien qu'il y a à la fois cette volonté de mobiliser les élites locales, mais aussi, attention, de les cantonner aux tâches subalternes de l'inventaire. C'est-à-dire qu'il y a très profondément ancré chez les élites parisiennes de la monarchie de Juillet, alors c'est Guizot, mais c'est aussi Arcisse de Caumont qui sera ensuite un grand contempteur du centralisme culturel, l'idée que les provinciaux, aussi savants soient-ils, si vous les laissez travailler seuls, si de Paris ne vient pas une volonté de coordonner leurs travaux, de diriger leur curiosité vers des objets utiles, eh bien, ils gaspilleront bêtement leurs capacités. Et tout cet inventaire historique et archéologique de la France qui va durer pendant tout le reste du XIXe siècle, il s'inscrit justement dans ce rapport totalement dissymétrique entre les savants parisiens et Mérimée, dont vous avez cité tout à l'heure un extrait de la correspondance générale, Mérimée est inspecteur général des monuments historiques, hein, la description qu'il fait de la province, eh bien, elle s'inscrit dans ce cadre-là. C'est non seulement le dandy parisien qui regarde les provinciaux, mais c'est aussi l'inspecteur général des monuments historiques qui vient contrôler le travail des antiquaires provinciaux. Donc il y a un rapport, voilà, comme ça, de dépendance. Mais ce que je voudrais dire, parce que je n'ai pas pu intervenir pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Clément Martin, justement sur la genèse de ces identités régionales, de cet esprit régional, c'est qu'il ne faut pas oublier que tout ce discours sur l'identité des régions, il n'est pas sans rapport avec Paris. On oublie toujours qu'en 1852, Hippolyte Fortoul réoriente l'inventaire historique et archéologique de la France vers l'inventaire des littératures régionales, des langues régionales, des chansons régionales, et que, comme par hasard, les premières instances qu'on qualifiera ensuite de régionalistes se crée immédiatement après 1852. En 1853, c'est le Comité flamand de Flandre qui se crée sous la direction d'Edmond Kusmak et qui affiche comme objectif de faire pour le domaine flamand ce que les frères Grimm ont fait pour la langue allemande. Et le Félibrige, il est créé en 1854. Oui, parce que ici, nous avons bien, avec tout ce que vous nous expliquez, Odile Parsi-Barubé, notre imaginaire encore aujourd'hui. Vous parlez du patrimoine, Mérimée, la vision parisienne. Jean-Clément Martin, pour finir cette émission, il y a bien sûr, allez, deux groupes à constituer, deux groupes de mots, jacobin, Paris, violence, révolution, et puis girondin, la province, un peu de modération. En fait, le débat, vous nous le dites, ne correspond pas à une réalité historique. En revanche, la construction même de cet imaginaire est passionnante. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Elle est passionnante, mais elle est aussi inquiétante, parce que on est tellement ancré dans cette opposition qui est fausse, hein, disons-le clairement, que on n'arrive plus à raisonner. Moi, je dirais raisonner normalement, et que à opposer ainsi des stéréotypes, on réagit d'une façon assez brutale, puisque on assimile la centralisation à une volonté de table rase, et qu'on veut identifier absolument la décentralisation à une gestion locale. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en 2021, où l'administration, que je distingue bien sûr du pouvoir politique, où l'administration exerce un pouvoir qui n'est remis en cause nulle part, à côté de tous les discours politiques sur la décentralisation, eh bien, il y a eu le maintien d'un corset administratif absolument considérable, qui est totalement masqué par nos petites histoires et historiettes qui opposent jacobins et montagnards et girondins. Alors, moi, je plaide vraiment, tordons le cou à Lamartine. Hein. J'aime bien Lamartine, mais enfin là, je crois qu'il faut lui tordre le cou. Tordons le cou aux cours distribués aux futurs administrateurs de la France. Et puis, regardons les choses davantage dans le détail et avec la souplesse qu'il faut pour distinguer le rôle politique du rôle administratif. Ne pas rappeler que Bonaparte, Napoléon a créé une administration qui doublait le pouvoir politique pour enserrer complètement le pays. Et puis, mettons-nous à respirer. Ah ben, écoutez, formidable conclusion, Jean-Clément Martin. Nous allons respirer, nous allons tordre des coups. Et puis, puisqu'il est question de coups, hein, je rappelle l'exécution de Louis XVI, votre ouvrage qui paraît chez Perrin. Et merci aussi beaucoup à vous, Odile Parsi-Barubé, sur la province antiquaire. Et puis le pittoresque, hein, vous avez travaillé sur le pittoresque. Et c'est un véritable bonheur de vous écouter l'un et l'autre pour pacifier des débats contemporains. Merci beaucoup. Nous retrouvons tout de suite Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, le racisme anti-asiatique et son histoire aux États-Unis. C'est une vidéo postée par la chaîne britannique BBC. On y voit Li Wang retirer veste et cravate pour soulever sa chemise et montrer à l'assistance une large cicatrice qui lui barre le torse en interpellant « Est-ce assez patriotique pour vous ?» I'm going to show you what patriotism, the questions about patriotism looks like. This is sustained through my service in the US military. Now, is this patriot enough? Cette cicatrice lui a été infligée alors qu'il servait l'armée américaine. Il a aujourd'hui 69 ans, il est arrivé aux États-Unis à 18 ans dans les années 60. La colère sourde de Li Wang ne l'empêche pas de continuer en évoquant la façon dont il a été battu dans une rue de Chicago quelques années plus tôt, sans que son agresseur n'ait jamais été condamné par la justice. Il cite la promesse d'égalité des citoyens proclamée par la Constitution, qui a largement construit le mythe d'une Amérique du Nord interraciale et fière de l'être, une intervention contre les manifestations de racisme anti-asiatique qui se sont multipliées outre-Atlantique, faisant déjà une dizaine de morts, majoritairement des femmes.